Chapitre 11e. Le soleil s'abaissait. La brise venue de l'ouest pénétrait en froides ondes dans le château. À mesure que la soirée avançait, l'horloge rustique semblait envoyer de plus près ses joyeuses sonneries. Les champs et le parterre, sous l'influence de cette heure bénie, émettaient leur plus doux parfum. Les oiseaux de Nora profitaient des derniers rayons de soleil et chantaient leur hymne de reconnaissance aux clartés du jour mourant. Arrêtée pour un temps seulement, l'impitoyable routine du château continuait avec une persistance horrible ses évolutions quotidiennes. La domesticité, frappée de terreur, s'abritait aveuglément dans l'accomplissement des devoirs que chaque heure imposait. Le valet de pied dressait la table sans bruit. La femme de chambre, la tête à peu près perdue, ne savait que faire des bouilloires d'eau chaude destinées au cabinet de toilette et qui était là, rangé à ses pieds comme de coutume. Le jardinier qui avait reçu ordre d'apporter à son maître certaines attestations touchant quelques sommes payées en trop, parlait de son honnêteté compromise, et à l'heure marquée apportait ses attestations. L'habitude, qui jamais ne cède, et la mort, qui n'épargne jamais, venant à se rencontrer en ce naufrage du bonheur humain, la mort cédait le pas à l'habitude. L'affliction avait amassé déjà autour du château des masses de nuages chargées de foudre. Il devait pourtant et s'appesantir et noircir encore. À 5 heures, ce soir-là, l'infortune avait frappé son premier coup. Avant qu'une autre heure fût écoulée, la femme de cet époux si soudainement enlevé au sien se trouvait en péril de mort. Elle gisait sur son lit de veuve et déjà presque sans ressources. Sa propre vie, celle de l'enfant encore à naître, ne tenait plus qu'à un fil. Un brave esprit, cependant, avait gardé toutes ses facultés, et dans cette maison de deuil était devenu le guide de tous. Si la première jeunesse de Miss Garth avait été aussi calme, aussi heureuse que ces dernières années passées à Combraven, peut-être se fût-elle affaissée sous les impitoyables nécessités d'un si cruel moment. Mais cette jeunesse austère avait subi la rude épreuve des afflictions domestiques. Aussi, Miss Garth abordait-elle ses terribles devoirs avec le ferme courage d'une femme qui sait souffrir. Elle avait seule affronté la dure nécessité de dire aux deux jeunes filles qu'elle n'avait plus de père. Elle luttait seule pour soutenir leur courage, maintenant que l'effrayante certitude de cette perte avait fini par pénétrer dans leur âme. Ses plus grandes anxiétés n'étaient point pour la sœur aînée. Le chagrin de Nora, si violent qu'il fût, avait trouvé à s'exprimer par des larmes. Il n'en était point ainsi de Magdalène. Les yeux secs, les lèvres muettes, elle demeurait assise dans sa chambre où était venue la chercher cette terrible nouvelle. Sur sa physionomie, pétrifiée contre toute attente par le stérile chagrin des vieillards, on ne retrouvait qu'un pâle et immuable effarement, de nature à glacer le cœur. Rien ne pouvait ni la ranimer, ni l'attendrir. Elle ne disait que ceci : « Ne me parlez pas, ne me touchez pas. « Laissez-moi lutter à moi toute seule. » Et de nouveau, elle retombait dans son silence. La première grande douleur qui eût obscurci l'existence des deux sœurs avait déjà, semblait-il, métamorphosé leur caractère de chaque jour. Le crépuscule se fit et s'éteignit à son tour. La nuit d'été se leva brillante. Au moment où, dans la chambre de la malade, s'allumaient des flambeaux soigneusement abrités, le médecin qu'on était allé chercher à Bristol arriva pour consulter avec celui que la famille employait habituellement. Il n'avait à donner aucune assurance et se bornait à dire « Nous essaierons, il faudra voir, espérons encore. » Le choc qu'elle a reçu quand la nouvelle de la mort de son mari lui est arrivée à l'improviste a brisé ses forces au moment où elle en avait le plus besoin. Nous ne devons rien négliger pour la sauver. Je passerai la nuit auprès d'elle. Ainsi parlant, il ouvrit une de ses fenêtres pour renouveler l'air de l'appartement. Cette fenêtre donnait sur le chemin de voitures qui passait devant la maison et sur la route qui longeait les grilles. Un certain nombre de personnes y étaient assemblées par petits groupes, regardant du côté du château. « Si ces gens-là doivent faire le moindre bruit, dit le docteur, il faudrait les renvoyer. » Nul besoin de précautions pareilles. C'étaient seulement les laboureurs employés sur le domaine du défunt, et çà et là, quelques femmes, quelques enfants du village. Ils pensaient tous à lui. Quelques-uns parlaient de lui, et contempler sa résidence était une sorte d'aiguillon pour leur esprit paresseux. Les propriétaires des environs étaient, la plupart, assez bons pour eux, disaient les hommes, mais aucun ne l'était comme lui. Les femmes se parlaient à voix basse des consolations que leur apportait son passage dans leur chaumière. Il était si gai, le brave homme, et si soigneux aussi pour nous tous. Jamais il ne venait pour s'ébahir devant nos pauvres repas. Les autres nous aident, mais nous grondent. Jamais nous n'entendions de lui que ceci. La prochaine fois, tout ira mieux. Ainsi restaient debout ces pauvres gens, parlant de lui, regardant sa maison, son enclos, et peu à peu, on les voyait s'éloigner par deux et par trois, attristés à cette pensée que la vue de cette radieuse figure ne viendrait jamais plus les réconforter. La plus dure de ces cervelles obtuses se rendait bien compte ce soir-là que les rudes chemins de la pauvreté n'en seraient que plus difficiles à parcourir maintenant que ce brave homme était parti. Un peu plus tard, on avertit à la porte de la chambre à coucher que Mr. Clare, le père, venait d'arriver au château et qu'il attendait en bas, dans le vestibule, pour savoir ce que le médecin avait dit. Miss Garth, ne pouvant l'aller trouver en personne, lui dépêcha un message. « Je reviendrai, » dit-il au domestique. « Je reviendrai savoir des nouvelles d'ici à 2 heures. » Il s'en alla, s'éloignant avec lenteur. Sur cet homme, différent des autres en toutes choses, la mort soudaine de son vieil ami n'avait produit aucun changement notable. Le seul indice qui, chez ce vieillard rigide, impénétrable, attesta une espèce de sympathie, était ce mouvement de curiosité, d'intérêt peut-être, qu'il avait amené au château. Il revint au bout des 2 heures, et Miss Garth, cette fois, voulut le voir. Ils se donnèrent la main en silence. Elle attendait. Elle s'était préparée à l'entendre parler de l'ami qu'il venait de perdre. Non. Il ne mentionna même pas l'horrible accident. Il ne fit pas la moindre allusion à cette mort si soudaine et si effrayante. Va-t-elle mieux ou plus mal? À cette simple question, il n'ajouta pas une parole. Sous cette expression de l'anxiété que lui causait l'état de la femme, l'austère vieillard avait-il caché le tribut de regret qu'il accordait au mari? Son caractère, l'inflexible résistance qu'il opposait au monde et à ses usages, permettait d'interpréter ainsi sa conduite. Il répéta la question qu'il venait de faire. « Va-t-elle mieux ou plus mal ?» Miss Garth lui répondit. « Il n'y a pas de mieux. S'il y a quelque changement à noter, c'est plutôt une aggravation dans son état. » Ils échangeaient ces paroles auprès de la fenêtre du petit salon ouverte sur le jardin. Mr. Clare, après avoir entendu la réponse qu'on venait de lui faire, descendit dans l'allée sans rien ajouter. Puis il se retourna brusquement et reprit « Le docteur l'a-t-il donc abandonné ?»« Il ne nous a pas caché qu'elle est en danger. Nous ne pouvons que prier pour elle. » Le vieillard posa la main sur le bras de Miss Garth. Lorsqu'elle lui eut ainsi répondu et la regardant avec attention « Vous croyez à la prière ?» lui dit-il. Miss Garth s'écarta de lui avec un mouvement de répulsion. « Vous auriez pu, monsieur, m'épargner cette question dans un moment comme celui-ci. » Il ne prit point garde à sa réponse. Ses yeux restèrent arrêtés sur le visage de l'institutrice. « Priez, » lui dit-il. « Priez comme jamais vous ne l'avez fait encore, pour que la vie de Mrs. Vanstone soit épargnée. » Puis il la quitta. Sa voix et son attitude impliquaient quelque inexplicable crainte des événements à venir, crainte dont ses paroles ne renfermaient pas l'aveu. Miss Garth le suivit dans le jardin et l'appela par son nom. Il l'entendit, mais ne revint point sur ses pas. Il hâta sa marche, au contraire, comme s'il voulait éviter de lui parler encore. Elle le suivit de l'œil, traversant la pelouse aux clartés vives de la lune d'été. Elle vit ses mains, d'une blancheur flétrie. Elle les vit se détacher soudain sur le noir rideau du bosquet, s'élevant et se tordant au-dessus de sa tête. Elles retombèrent ensuite. Les arbres l'ensevelirent dans leur obscurité. Il avait disparu. Miss Garth retourna auprès de la malade avec une anxiété de plus. Il était alors 11 heures passées, et depuis déjà quelque temps, elle n'avait ni vu les deux sœurs, ni trouvé l'occasion de leur parler. Les questions qu'elle adressa sur leur compte à l'une des femmes de service lui fournirent ce renseignement que, toutes deux, elles s'étaient retirées dans leur chambre. Avant de retourner au chevet de leur mère, et avant de les quitter pour la nuit, elle voulut adresser aux jeunes filles quelques paroles de consolation. La chambre de Nora était la plus proche. Miss Garth ouvrit doucement la porte et jeta un regard à l'intérieur. La figure qu'elle vit agenouillée au chevet du lit lui dit assez que le secours divin était venu trouver, au sein de son affliction, cet enfant privé de père. Des larmes de reconnaissance lui vinrent aux yeux en face de ce touchant spectacle. Elle referma doucement la porte et gagna la chambre de Madeleine. Là, le doute arrêta ses pieds sur le seuil, et avant d'entrer, elle attendit un moment. Un bruit venu de la chambre frappa son oreille. C'était le monotone froissement d'un vêtement de femme, tantôt éloigné, tantôt plus proche, mais balayant sans cesse et d'un bout à l'autre le parquet sonore. Ce bruit lui apprenait que Madeleine parcourait en long et en large la pièce où elle s'était enfermée. Miss Garth frappa. Le bruit cessa de se faire entendre. La porte s'ouvrit, et devant elle apparut ce jeune visage qu'un froid désespoir avait pour ainsi dire figé. Les grands yeux clairs de Magdalene demeuraient machinalement fixés sur ceux de Miss Garth, aussi vagues, aussi secs qu'auparavant. Son regard déchira le cœur de la fidèle institutrice qui, dès le berceau, avait élevé, chéri cet enfant. Elle prit tendrement Magdalene dans ses bras. « Oh, chère petite, disait-elle, pas de larmes encore. Oh, si je vous voyais comme je viens de voir Nora. Parlez-moi donc, Magdalene, trouvez la force de me parler. » La jeune fille, en effet, s'efforça et parla. « Nora, dit-elle, n'éprouve aucun remords. Ce n'était pas dans l'intérêt de Nora qu'il a couru au devant de la mort, c'était dans le mien. » Après cette terrible réponse, posant ses froides lèvres sur la joue de Miss Garth, « Laissez-moi lutter à moi seule, lui dit-elle, et doucement, elle referma sa porte. Miss Garth, de nouveau, resta immobile sur le seuil, et de nouveau, le froissement de la robe se fit entendre, çà et là, tantôt éloigné, tantôt plus proche, avec une régularité mécanique, implacable, de nature à glacer la plus chaude sympathie, à dompter l'espoir le plus téméraire. La nuit s'écoula. Il avait été convenu que si aucune amélioration ne s'était manifestée dans la matinée, le médecin de Londres, consulté quelques mois auparavant par Mrs. Vanstone, serait dès le lendemain convoqué au château. Nul symptôme d'amélioration n'étant survenu, on envoyait chercher ce médecin. Dans le courant de la matinée, Frank vint aux informations. Mr. Clare avait-il, par hasard, confié à son fils ce devoir que la veille il avait rempli en personne, à cause de la répugnance qu'il éprouvait à se retrouver en face de Miss Garth après lui avoir tenu des propos si énigmatiques? Cela pouvait être. Frank n'avait pas d'éclaircissement à donner là-dessus. Il n'était pas dans la confidence de son père. Son pâle visage exprimait une sorte d'effarement. Les premières questions qu'il fit au sujet de Magdalene témoignaient assez combien la catastrophe survenue avait ébranlé ce faible et vacillant caractère. À peine les pouvait-il formuler. Les paroles manquaient à ses lèvres bégayantes, et des larmes à chaque instant lui venaient aux yeux. Le cœur de Miss Garth, pour la première fois, se réchauffa quelque peu en sa faveur. La douleur a ceci de noble en soi, qu'elle accepte toute sympathie sans regarder à l'origine. L'institutrice adressa au jeune homme quelques bonnes paroles d'encouragement, et quand ils se séparèrent, lui donna la main. Avant que midi fût sonné, Frank était revenu, porteur d'un second message. Son père désirait savoir si Mr. Pendrell n'était pas attendu à Combraven pour ce jour-là même. Dans le cas où il en serait ainsi, Frank avait ordre d'aller attendre l'avocat à la station et de l'emmener au cottage où un lit serait préparé pour lui. Ce message prit Miss Garth tout à fait au dépourvu. Il prouvait que Mr. Clare avait été mis au courant, par son défunt ami, de l'invitation adressée à Mr. Pendrell. Cette hospitalière attention du vieillard était-elle une autre manifestation indirecte d'une sympathie qu'il dissimulait avec un entêtement pervers? Ou bien était-il initié à quelque secret qui rendait la présence de Mr. Pendrell nécessaire et dont la famille, si récemment privée de son chef, n'avait aucune notion? Miss Garth était trop abattue, trop désespérée pour chercher à résoudre l'une ou l'autre question. Elle informa Frank que Mr. Pendrell devait arriver à 3 heures et le renvoya porteur de remerciements. Bientôt après son départ, les anxiétés que l'institutrice pouvait nourrir en ce moment sur le compte de Magdalene furent calmées par des nouvelles bien moins mauvaises que l'épreuve de la veille au soir ne devait le faire espérer. l'influence de Nora s'était mise à l'œuvre pour animer sa jeune sœur. Et grâce à la patiente et sympathique Nora, la douleur captive avait trouvé une issue. Magdalène, dans cet effort qui finalement allégeait sa peine, avait beaucoup souffert. Souffrance inévitable avec une nature comme la sienne. Ses pleurs qui la soulageaient ne s'étaient pas doucement épanchés. Ils avaient jailli d'elle avec une véhémence passionnée, comme le sang sous l'instrument de torture. Mais Nora ne l'avait pas quitté un instant que la lutte ne fût à bout et le calme un peu revenu. Ces favorables indications permirent à Miss Garth de se retirer dans sa chambre et de prendre le repos dont elle avait si grand besoin. Épuisée de corps et d'âme, elle dormit de pure fatigue, un sommeil lourd et sans rêve qui se prolongea au-delà de ce qu'elle avait pensé. Ce fut seulement entre 3 et 4 heures de l'après-midi qu'elle fut réveillée par une des femmes de service. Cette femme tenait un billet à la main, billet laissé par Mr. Clare, le fils, avec ordre de le rendre immédiatement aux mains de Miss Garth. Au coin inférieur de l'enveloppe était écrit le nom de William Pendrell. L'avocat était arrivé. Miss Garth rompit le cachet. Après quelques phrases préliminaires de condoléances sympathiques, Mr. Pendrell annonçait son installation chez Mr. Clare et continuait, probablement de par son mandat professionnel, en formulant une très surprenante requête. « Si, écrivit-il, une amélioration quelconque se manifestait dans l'état de Mrs. Vanstone, que cette amélioration soit passagère ou qu'elle ait le caractère de permanence sur lequel nous devons tous compter, dans l'un ou l'autre cas, je vous supplie de me le faire savoir immédiatement. Il est de la dernière importance que je puisse la voir, si elle retrouve assez de force pour me prêter attention pendant 5 minutes et se trouver au bout de ce temps en état de donner une signature. Puis-je vous prier de communiquer ma demande, sous le sceau du secret le plus absolu, aux médecins qui la soignent? Ils comprendront, vous comprendrez comme eux, l'importance de premier ordre que j'attache à cette entrevue, quand je vous aurai dit que je me suis arrangé pour différer à ce sujet toutes les autres affaires qui exigent ma présence à Londres, et que je serai prêt au premier signal, à quelque heure du jour ou de la nuit que vos ordres me parviennent. » La lettre se terminait ainsi. Miss Garth la lut 2 fois d'un bout à l'autre. À la seconde lecture, la demande que lui adressait maintenant l'avocat et les paroles d'adieu qui la veille étaient échappées à Mr. Clare prirent dans sa pensée une vague connexité. Il y avait évidemment en suspens, outre l'intérêt premier et dominant du rétablissement de Mrs. Vanstone, un autre intérêt grave, connu de Mr. Pendrell et connu de Mr. Clare. À qui se rapportait-il? Serait-ce aux enfants? Était-elle menacée de quelque calamité nouvelle qu'une signature de leur mère pouvait écarter? Que signifiait tout ceci? Fallait-il en conclure que Mr. Vanstone était mort sans laisser de testament? Dans sa détresse, dans sa confusion d'esprit, Miss Garth n'était pas en état de raisonner avec elle-même comme elle l'eût certainement fait en des temps plus heureux. Elle se hâta de se rendre dans la pièce qui précédait la chambre à coucher de Mrs. Vanstone. Et après avoir expliqué les relations de Mr. Pendrell avec la famille, elle fit passer sa lettre sous les yeux des médecins. Ils donnèrent tous deux sans hésiter la même réponse. L'état de Mrs. Vanstone rendait totalement impossible l'entrevue sollicitée par l'avocat. Si l'on arrachait la malade à sa prostration présente, Miss Garth serait immédiatement informée de cet heureux résultat. Pour le moment, la réponse à faire à Mr. Pendrell devait se résumer par un seul mot, impossible. Vous voyez cependant quelle importance Mr. Pendrell attache à cette entrevue, dit Miss Garth. Oui, l'un et l'autre médecin le voyaient parfaitement. J'ai la tête perdue, messieurs, et je suis dévoré d'anxiété. Pouvez-vous l'un ou l'autre conjecturer ce qui rend nécessaire cette signature, ou quel peut être l'objet de cette entrevue? Je ne connais Mr. Pendrell que pour l'avoir vu ici, en visite. Je n'ai aucun droit qui me permette de le questionner. Voudriez-vous de nouveau jeter les yeux sur cette lettre? Est-ce votre avis qu'elle implique la mort ab intestat de Mr. Vanstone? C'est tout au plus si cette conclusion peut être tirée, dit un des médecins. Mais en supposant même que Mr. Vanstone soit décédé sans laisser de testament, la protection de la loi est acquise aux intérêts de sa veuve et de ses enfants. En serait-il ainsi, interrompit l'autre médecin, si la fortune du défunt consistait principalement en immeubles? Dans ce cas-là, je n'oserais rien affirmer. Sauriez-vous par hasard, Miss Garth, si les propriétés de Mr. Vanstone consistent en capitaux ou en terres ?»« En capitaux, » répondit Miss Garth. « Je le lui ai entendu dire bien des fois. » »« Je puis alors calmer votre inquiétude, et cela d'après ma propre expérience. La loi, s'il est mort ab intestat, donne un tiers de sa propriété à sa veuve et partage également le surplus entre ses enfants. Mais si Mrs. Vanstone venait à mourir, poursuivit le docteur, achevant la question que Miss Garth n'avait pas eu la force de compléter elle-même, je crois être dans le vrai en vous affirmant que la propriété tout entière passerait par voie légale sur la tête des enfants. Si nécessaire que puisse être l'entrevue réclamée par Mr. Pendril, je ne vois aucun motif de la rattacher à ce fait présumé que Mr. Vanstone serait mort sans tester. Mais du reste, pour donner satisfaction à vos scrupules, posez les questions à Mr. Pendril lui-même. » Miss Garth se retira, décidée à suivre l'avis du docteur. Après avoir fait connaître à Mr. Pendril la décision des médecins, qui, provisoirement, refusaient de se prêter à son désir, elle indiquait brièvement la question légale qu'elle leur avait soumise et, sans y insister, laissait entrevoir son impatience bien naturelle de connaître les motifs qui avaient dicté la démarche de l'avocat. La réponse qu'elle reçut était empreinte d'une réserve extrême et ne lui donna point une opinion favorable de Mr. Pendril. Il confirmait, seulement en général, l'interprétation que le docteur avait donnée au texte des lois, exprimait son intention de rester chez Mr. Clare, dans l'espoir qu'un heureux changement permettrait à Mrs. Vanstone de l'admettre auprès d'elle, et il terminait sa lettre sans aucune explication des motifs qui le faisaient agir, sans un mot qui eût rapport à l'existence ou à la non-existence du testament de Mr. Vanstone. Les précautions visibles avec lesquelles le billet de l'avocat semblait rédigé laissèrent une certaine inquiétude dans l'esprit de Miss Garth, jusqu'au moment où le grand incident du jour, impatiemment attendu, vint rappeler toutes ses pensées sur Mrs. Vanstone. Le médecin de Londres arriva de bonne heure dans la soirée. Il demeura longtemps au chevet de la malade. Plus longtemps encore, il resta en consultation avec ses deux confrères. Enfin, il retourna auprès de Mrs. Vanstone, avant que Miss Garth eût pu obtenir qu'il lui communiquât le résultat de ce long et patient examen. Lorsque, pour la seconde fois, il revint dans l'antichambre, elle le regarda au visage, et la dernière lueur d'espérance s'éteignit en elle avant qu'il n'eût desserré les lèvres. « J'ai à vous faire entendre une vérité pénible, » lui dit-il avec douceur. « Tout ce qui était possible a été tenté. Dans 24 heures au plus, vous saurez à quoi vous en tenir. Si, d'ici là, une grande crise de nature ne vient pas à notre aide, j'ai le regret de vous l'annoncer, il faut vous préparer à ce qui peut arriver de pire. » Ces paroles disaient tout, elles indiquaient nettement l'inévitable issue. La nuit s'écoula, et la pauvre mère vivait encore. Le lendemain arriva, et jusqu'à ce que l'horloge marquât 5 heures, un dernier reste d'existence lui fut conservé. À cette heure-là, une fatale nouvelle lui avait porté le coup de mort. À la même heure, après quelques tours de cadran, la main de Dieu allait la rejoindre à lui dans un monde meilleur. Ses filles, quand elle rendit l'âme, étaient agenouillées à son chevet. Elle les quitta sans avoir conscience qu'elles assistaient à son agonie, heureusement insensibles aux angoisses du dernier adieu. L'enfant qu'elle venait de mettre au monde lui survécut jusqu'à l'heure où la nuit allait commencer, où le soleil s'effaçait dans les calmes profondeurs de l'Occident. Quand l'obscurité se fit, cette frêle petite vie, à peine manifestée par quelques lueurs, vacilla et s'éteignit comme un flambeau mal allumé. Les débris terrestres de la mère et de l'enfant reposèrent, cette nuit-là, sur le même lit. L'ange de la mort avait rempli son auguste mission. Les deux sœurs restaient seules au monde.